foulard, écharpe, drapeau, uniformément de couleur orange. Un flot orange qui envahit la principale place de Kiev pendant des jours et des jours malgré le froid et la neige. C'était en effet la révolution orange, une révolution tranquille qui s'est terminée par la victoire électorale de l'homme défiguré, Viktor Yushchenko. Mais d'où vient cette révolution orange? Qui a allumé la mèche? Et pourquoi a-t-elle tout emporté sur son passage, même si aujourd'hui ses principaux acteurs connaissent de sérieuses difficultés? Dans un premier entretien, M. X a évoqué les années qui ont suivi l'indépendance après l'implosion de l'Empire soviétique. Il a en particulier souligné la mainmise du pays par les clans issus directement de l'ancien appareil communiste. Des clans à la tête desquels quelques oligarques ont bâti des fortunes colossales alors que le reste de la population s'appauvrissait. Un système corrompu, esclérosé, qui était de plus en plus contesté par les Ukrainiens qui aspiraient à plus de démocratie et de justice. Mais le pouvoir était décidé à résister par la force et aussi en se débarrassant physiquement de quelques gêneurs. Et ça se terminera par la tentative d'empoisonnement du leader de l'opposition, Viktor Yushchenko. Ainsi est née l'opposition qui devait devenir un peu plus tard la révolution orange. Mais une révolution qui n'était peut-être pas aussi spontanée qu'elle le paraissait, car derrière se trouvait des faiseurs de révolution, des hommes discrets que l'on avait déjà vus à l'œuvre en Serbie et en Géorgie. Dans un instant, M. X dévoile les secrets de la révolution orange. Je vous l'ai dit la semaine passée, l'événement fondateur, c'est l'assassinat de Georgiou Gongabze en l'an 2000. Un assassinat qui a été précédé par quelques autres agressions ou disparitions mystérieuses. C'est exact. Oui. Il est évident que le pouvoir, c'est-à-dire surtout le président Kouchma, dispose alors d'hommes de main ou de types issus des services secrets à qui il confie l'exécution des basses besognes. Alors, voyons de plus près cette affaire de Gongabze. C'est un journaliste, hein? Un jeune journaliste indépendant, animateur d'une émission de radio réputée pour son irrévérence et créateur d'un site internet consacré à la défense des libertés. Ouais, bref, c'est un ingénieur. Absolument. Gongabze agace le pouvoir, parce qu'il pique là où ça fait mal. Sans compter que ce Don Quichotte est devenu en Ukraine une figure très populaire. Eh ben, il prend des risques alors. Et il le sait fort bien parce qu'il a déjà reçu des menaces. Se méfie-t-il pour autant? Certainement. Il n'empêche qu'un soir de septembre, il ne rentre pas à son domicile où l'attendent sa femme et ses deux filles. Et pendant plusieurs semaines, on ignore ce qu'il est devenu. Jusqu'à ce jour du début novembre où, dans une forêt située à 150 km de Kiev, un paysan repère une main recroquevillée qui dépasse de la surface du sol. On fouille et un cadavre décomposé et sans tête est exhumé. Le cadavre de Gongabze, hein? Ah ben, on ne sait pas tout de suite le rapport avec la disparition du journaliste. Et pour tout dire, les autorités policières et judiciaires font tout ce qu'elles peuvent pour éviter que le cadavre soit identifié. Elles exercent même des pressions sur le médecin légiste. Mais elles échouent, parce que les proches de Gongabze ont été alertés. Et malgré les tergiversations de l'administration, on doit se rendre à l'évidence. Toutes les analyses concordent. C'est bien la dépouille de Gongabze qui a été enterrée dans cette forêt. Mal enterrée d'ailleurs, puisqu'une main dépassait. Les assassins ne sont pas toujours à la hauteur. Enfin, quoi qu'il en soit, cette découverte provoque un véritable choc dans l'opinion ukrainienne. D'autant qu'avant d'être exécuté, Gongabze a été mutilé. Torturé? Vraisemblablement. Puis il y a cette horrible décapitation qui frappe les gens. Le pouvoir est tout de suite soupçonné? Bien entendu. Qui avait intérêt à voir disparaître ce journaliste qui ne cessait de dénoncer les turpitudes du régime, sinon ses dirigeants? Toutefois, même si la responsabilité des autorités de Kiev ne fait aucun doute, il faut des preuves. Et elles vont arriver de façon assez étonnante. Un mot auparavant. En 2000, c'est encore Yushchenko qui est Premier ministre. Ah oui, donc il est directement concerné par l'affaire. Alors. Et pourtant, il se tiendra prudemment à la carte. Quoi, il s'accroche à son poste, c'est ça? Ou il se dit peut-être qu'il est plus important pour lui de continuer son œuvre, c'est-à-dire essentiellement sa lutte contre la corruption et les oligarques. Ce qui lui vaudra finalement d'être viré. En 2001, oui. C'est-à-dire quelque temps après l'éclatement de l'affaire Gongabze. Mais il faut quand même observer que Premier ministre, le futur leader de la révolution orange, qui va s'appuyer sur la foule pour l'emporter contre son rival Yanukovych, publiera quand même un communiqué condamnant les manifestants qui protestent contre l'assassinat de Gongabze. Ah, ça c'est une faute, non? Vous l'appréciez. Alors, bon, vous parliez de preuves. Oui, j'y viens, oui. À la fin novembre, le chef du Parti Socialiste, Alexandre Moroz, qui est alors le principal opposant au pouvoir, monte à la tribune du Parlement et fait une déclaration ahurissante. Il affirme qu'il dispose de bandes magnétiques enregistrées dans le bureau du président Kouchma. Des enregistrements qui démontrent clairement que la décision de liquider le journaliste a été prise par le président et son âme damnée, le ministre de l'Intérieur, Kravchenko. Mmh. Mais est-on alors vraiment sûr de l'authenticité de ces bandes sonores ? Mouroz, qui est un homme unanimement respecté, déclare qu'il a fait expertiser ces enregistrements par des spécialistes étrangers qui y ont exclu tout trucage. En outre, Mouroz, qui connaît bien le président, affirme qu'il s'agit sans aucun doute possible de la voix de Kouchma. J'ai reconnu, dit-il, ses intonations, sa façon de parler. Mmh, l'accusation, quoi qu'il en soit, est extrêmement grave. Et très précise. Et Mouroz, qui a déjà eu affaire au malfrat du pouvoir, puisqu'il a été accusé à tort d'avoir ordonné une attaque à la grenade contre une autre opposante, d'ajouter que ça n'est certainement pas par hasard si le cadavre de Gangadze a été retrouvé dans une forêt située dans sa circonscription électorale. Oui, comme si on avait voulu lui mettre l'affaire sur le dos. Ben, c'est ce qu'il pense, oui. Mmh. Autre témoignage important et qui éclaircit les conditions dans lesquelles Gangadze a trouvé la mort. Celui d'un professeur de littérature, un opposant lui aussi. 3 mois avant la disparition du journaliste, il a connu une étrange et cuisante mésaventure. Racontez, hein. Il se trouvait dans la rue lorsqu'il a reçu un violent coup derrière la tête et a été aussitôt embarqué dans une auto par plusieurs hommes qui l'ont copieusement matraqué. Puis, il a été conduit dans un bois, loin de la ville, et là, ses ravisseurs lui ont demandé de creuser un trou. Ça tombe ? C'est ce qu'ils lui ont dit. Puis ils l'ont à nouveau battu d'importance avant de l'abandonner dans la forêt à moitié nu. Alors on peut penser que ça s'est peut-être passé de la même façon pour Gangadze, non ? Mais les ravisseurs, ils sont peut-être allés un peu trop fort et l'ont tué. Et ensuite, ils ont coupé la tête pour empêcher l'identification et ont enterré le cadavre. Cependant, ce qui est encore plus important dans le témoignage de ce professeur, c'est qu'il a déclaré qu'il était pratiquement sûr d'avoir eu affaire à des policiers. D'ailleurs, a-t-il aussi affirmé, à l'époque soviétique, les policiers n'en usaient pas autrement avec les opposants. À la seule différence, près, c'est qu'ils agissaient alors en uniforme. Ouais, parce qu'ils avaient des ordres, ils étaient donc certains de bénéficier de l'impunité. Mais à ce niveau du récit, il faut quand même que vous m'expliquiez comment ces enregistrements sont arrivés dans les mains de ce Mouroz. Ah ben là encore, c'est une histoire bizarre. Alexandre Mouroz, selon ce qu'il a dit lui-même, toujours au cours de ce mois de novembre 2000, a été abordé dans la rue par un officier des services secrets, le SBU. Un officier qu'il connaissait ? En tout cas, l'autre savait parfaitement qui il était, c'est-à-dire une figure notable de l'opposition. Et cet officier, on connaît son nom ? Mouroz a dévoilé son nom quand cet agent des services secrets s'est trouvé en sécurité à l'étranger. Il s'agit d'un certain Milo Melechenko. Et ce type, alors, parce qu'il doit s'agir de la même personne, là, ce type, comment s'est-il procuré l'enregistrement ? Existait-il dans le bureau de Kouchma là, un système d'enregistrement tel que celui qui équipait la Maison Blanche, le bureau ovale, au temps de Nixon ? Non. Mais Melechenko était chargé de détecter s'il y avait des micros à la présidence. Justement, hein. Et c'est en effectuant ce travail dans un bureau proche de celui du président qu'il a surpris une conversation entre Kouchma et le ministre de l'Intérieur, Kravchenko. Une conversation où il était question d'attribuer une agression à Alexandre Mouroz. Et ça lui a donné l'idée de poser des micros dans le bureau présidentiel. Oui, oui. C'est donc que ce type voulait nuire au président. Et surtout en finir avec ses méthodes criminelles. Ouais. Pardonnez-moi, mais je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Eh bien, pour ne rien vous cacher, moi aussi. Et je crois que la vérité est beaucoup plus simple. Ah, expliquez-moi. Bon, en fait, je crois qu'au sein du SBU, il existait une faction qui voulait se débarrasser du pouvoir en place. Et ces gens-là ont sciemment piégé Kouchma en sonorisant son bureau. Oui, en posant des micros, donc. Mmh. Et il était ensuite normal de confier l'enregistrement accusateur au principal opposant chef du parti socialiste. Hein. Mmh. Et pourquoi alors croyez-vous plutôt à cette version ? Parce que plus tard, au moment de la Révolution Orange, cette faction anti-Kouchma jouera un grand rôle et évitera même le bain de sang qui était prévu par le pouvoir. Qu'y avait-il exactement sur cette bande enregistrée par Milo Melechenko, l'officier du SBU, c'est-à-dire les services secrets ukrainiens ? Le Nouvel Observateur, sous la signature de Jean-Baptiste Naudet, en a publié des extraits, les voici. C'est d'abord le président Kouchma qui interroge son ministre de l'Intérieur. Kouchma, ce Gangadze Kravchenko, nous y travaillons, c'est-à-dire, Kouchma, je vous le dis, conduisez-le en dehors de la ville, balancez-le, donnez-le aux Tchétchènes. Ici, un passage incompréhensible. Le président reprend de manière audible. Et là, une rançon. Kravchenko. On y pense. On va faire comme ça, Kouchma. C'est ça. Conduisez-le à l'extérieur de la ville. Déshabillez-le. Laissez-le assis, là. Je fais simple, putain. Kravchenko. On y travaille. On va le faire. Maintenant, j'ai une équipe de combat, des aigles qui font tout ce que l'on veut. Dès que cette affaire dont Gadze éclate, et surtout après les révélations de Moroz, les Ukrainiens descendent massivement dans la rue. Et déjà, à Kiev, sur la grande place Maïdan, c'est-à-dire la place de l'indépendance, les manifestants établissent un camp de tente qui ne sera démoli par la police qu'au début du printemps. La police qui crée des brigades punitives contre les opposants en tout genre. Quoi qu'il en soit, l'agitation est intense. Et certains manifestants préconisent l'instauration d'une procédure d'empêchement contre Kouchma. Et Kouchma, alors justement, accusé, hein, comment réagit-il? Ah, il clame bien sûr son innocence et parle d'enregistrement trafiqué. Ouais, ça c'est classique. Hein. Néanmoins, il va être obligé de se débarrasser de son ministre de l'Intérieur. Ouais, ce Kravchenko, là. Mmh. Bah, c'est une sorte de demi-aveu, non? Certainement. Mais écoutez bien la suite. Beaucoup plus tard, en 2005, alors que Kravchenko doit être entendu par la justice, toujours pour l'assassinat de Bangadze, l'ancien ministre de l'Intérieur est retrouvé mort dans sa maison de campagne. Officiellement, il s'est suicidé. Ah oui, c'est beaucoup plus simple comme ça. Mmh. Mais naturellement, vous avez des doutes. Bien entendu. Parce que ça arrange l'ancien président Kouchma qui aurait bien pu être inquiété à son tour. C'est même quand même assez incroyable qu'il ne l'ait pas encore été. Hein. C'est vrai, parce qu'il va être nommément accusé par un policier. Un homme qu'on va retrouver mort dans la prison où on l'avait enfermé. Décidément, hein. Alors, je n'exclus pas qu'un accord secret ait été passé avec le nouvel homme fort du pays, Viktor Yushchenko. Et quels seraient les termes de cet accord, hein? Kouchma, certain de voir perdre son candidat à l'élection présidentielle, Viktor Yanukovych, aurait promis qu'il n'y aurait pas de bain de sang. À condition de bénéficier de l'impunité dans l'affaire Gongadze. Oui, mais tout ça, enfin, ce n'est qu'une supposition. C'est vrai, mais je ne suis pas le premier à avoir émis une telle hypothèse. En tout cas, Kravchenko, là, qui n'était certes pas innocent, d'après ce que m'avait dit, mm-hmm. a servi de fusible. Hein. Mm-hmm. Et alors, la suite? L'affaire Gongadze a donc profondément troublé et choqué l'opinion ukrainienne. Et la tension ne retombera vraiment qu'avec la fin de la Révolution Orange et le triomphe de Yushchenko. Au printemps 2002, il y a des élections législatives. Le camp Kouchma s'en sort de justesse. Et encore une fois, grâce à la fraude. Mais désormais, la coalition Notre Ukraine, dont Yushchenko est le leader, devient la principale force politique du pays. Et il sera donc le candidat naturel de l'opposition lors des élections présidentielles de 2004. Hein. Avec toujours, notez-le bien, le soutien de la belle Yulia Tymoshenko. Ouais, qui s'est ralliée à son panache orange. Oui, si on peut dire. Mais c'est vrai que Yulia est une alliée loyale qui réussit même petit à petit à faire oublier sa réputation peu flatteuse. Ouais, sa réputation, il faut le rappeler, de femme d'affaires richissime, proche de l'oligarchie. Et on lui pardonne d'autant plus qu'elle dépense sans compter pour le parti qu'elle a créé et qui est entré dans la coalition contre le régime Kouchma. Kouchma qui, par ailleurs, accumule les difficultés. Fin 2002, un juge de Kiev s'intéresse beaucoup à lui. Toujours pour l'affaire Gongadze, hein? Pas seulement. Le président Kouchma est aussi soupçonné d'avoir vendu à l'Irak du matériel militaire, malgré l'embargo international. Washington n'apprécie guère. Et des spécialistes états-uniens et britanniques débarquent en Ukraine afin de faire la lumière sur cette affaire. C'est très embarrassant pour le président ukrainien, car les États-Unis fournissent une aide financière considérable à l'Ukraine. Est-ce qu'on peut voir là l'origine du lâchage de Kouchma et de ses petits amis là par les États-Unis? Bah, en tout cas, ça n'a pas dû arranger ses affaires à Washington, où on était et où on est encore très susceptible pour tout ce qui touche l'Irak. Même si Kouchma a essayé de se rattraper en envoyant des soldats en Irak aux côtés des forces de la coalition anti-Saddam Hussein. Ouais, mais ça n'a peut-être pas suffi. Bah, la preuve, c'est que les Américains, directement ou indirectement, ont joué un rôle dans le développement de la Révolution Orange. Mais voyons ça pas à pas. Le récit officiel est bien sûr le dessous des cartes. C'est en avril 2004 que Viktor Yanukovych devient le candidat des forces pro-gouvernementales. Ouais. Un homme très lié à la Russie, puisque selon vous, il aurait même été promu grâce à ses relations avec l'ex-KGB. Hein? En tout cas, il y a longtemps que Kouchma, qui ne peut pas se représenter, l'a choisi comme successeur. Et par l'intermédiaire de ce Yanukovych, Kouchma et les oligarques comptent bien continuer à régner sur ce pays qu'ils ont mis en coupe réglée. Mmh. Donc, en face, ce sera Yushchenko. Yushchenko et Yulia Tymoshenko. Ouais. Est-ce que le combat est égal? Non, pas vraiment. Malgré la fortune de Yulia et celle de quelques oligarques de l'Est et du Centre ralliés à l'opposition. Le clan au pouvoir est riche, très riche, et les principaux médias sont à sa botte. Yushchenko ne dispose que d'une chaîne de télévision, Canal 5, qui appartient à l'un de ses amis qu'on appelle le roi du chocolat. Un oligarque, lui aussi? Oui, oui, mais qui n'a pas choisi de soutenir le régime en place comme d'autres oligarques fatigués de l'emprise économique et politique des plus riches d'entre eux. Mais d'un autre côté, il faut bien reconnaître qu'aux yeux de la population ukrainienne, Yushchenko et la jolie Yulia forment une équipe de rêve, comme disent les anglo-saxons. Le Dream Team. Tous deux jeunes, avenants, presque des figures de mode. Vous savez ce qui va arriver. Oui, l'empoisonnement de Yushchenko. Hein. D'un jour à l'autre, celui qui va être le chef de la Révolution Orange est devenu méconnaissable. Gris, boursouflé, le visage couvert de boutons, une horreur. Et cet empoisonnement va à peu près avoir le même effet que l'assassinat de Gongadze. Car pour une large partie de l'opinion ukrainienne, il ne fait nul doute que le pouvoir a essayé de se débarrasser de Yushchenko. Oui, mais rappelez-moi là exactement comment ça s'est passé. C'est pas si vieux que ça. Hein. Non, non. Au début du mois de septembre, il dîne avec Ior Shmetko, le chef des services secrets. Le SBU, là, hein? Shmetko est accompagné de son adjoint. Et pourquoi cette rencontre entre le chef de l'opposition et deux hommes qui doivent être parmi les plus fidèles soutiens du régime, hein? En principe, oui. Car vous l'avez vu, dans l'affaire de l'enregistrement clandestin effectué dans le bureau présidentiel, le SBU a joué un rôle. En tout cas, l'un de ses officiers, au moins. Mais ça n'engageait pas forcément l'institution, hein? Seulement une faction. C'est vrai, mais enfin, on y reviendra. Alors, vous me demandiez pourquoi ce dîner? Eh bien, il semble que Yushchenko est tenu à rencontrer Shmetko pour lui demander justement de rester neutre pendant la campagne présidentielle. Parce qu'il craint d'éventuels coups bas du SBU? Ben, évidemment. N'oubliez pas que beaucoup de ces agents des services secrets étaient déjà en place lorsque l'Ukraine appartenait à l'Empire soviétique. Et ils étaient forcément très liés au grand frère. Ouais, le KGB, quoi. Oui. Et cette tentative d'empoisonnement, là, ressemble étrangement, justement, hein, aux méthodes de l'ex-KGB. Ah, tout à fait. Au KGB, on était passé maître dans la fabrication et l'utilisation des poisons. Oui, ça, on en a déjà parlé, hein. Mais vous m'avez aussi dit que les spécialistes du KGB avaient mis au point des substances toxiques indécelables et qui provoquaient des morts apparemment naturelles. Or, quand même, c'est loin d'être le cas dans l'affaire Yushchenko. Hein. Vous avez raison, mais l'utilisation du poison est très délicate. Oui, question de dosage. En particulier, ouais. Et si Yushchenko était mort le lendemain, est-ce qu'on aurait pensé à rechercher sur son cadavre des traces de dioxine, le poison utilisé? D'autant que la dioxine est difficilement décelable. Mais est-ce qu'on est sûr, d'abord, là, que c'est au cours de ce dîner avec le chef du SBU que Yushchenko a été empoisonné? Vraisemblablement. Parce que c'est aussitôt après que le chef de l'opposition a ressenti les premiers effets du poison, de violentes douleurs abdominales et assez rapidement des lésions sur le visage. Mais Shmetko, là, Mavéouli, n'était pas seul, hein. Son adjoint aurait pu être l'instigateur de cet empoisonnement. Ou encore un proche de Yushchenko qui lui aurait administré la dioxine avant ou après le dîner. Et tenez, on peut aller encore plus loin. Je vous écoute. Qui, en dehors du clan Kouchma, avait intérêt à liquider Yushchenko? Les Russes. Oui, mais pourquoi, alors? Parce que Yushchenko ne faisait pas mystère de ses intentions s'il était élu. C'est-à-dire le rapprochement avec l'Ouest. Et même l'adhésion à l'OTAN. Et donc une prise de distance progressive avec la Russie. Une position inadmissible pour Poutine. Et quand on pense que cet empoisonnement ressemble beaucoup aux méthodes de l'ex-KGB, non, on peut se poser légitimement des questions. Car seul une analyse des mets et des boissons qu'il a ingurgitées aurait pu donner un commencement de réponse. Enfin, il était quand même naturellement très tentant d'attribuer l'empoisonnement aux seuls hommes du SBU. Hein. Et si les Russes ont joué un rôle dans cette affaire, cette mise en cause du SBU ne leur déplaisait pas forcément, parce qu'ils ne pouvaient pas ignorer l'existence de cette faction au sein des services ukrainiens. Donc, pour résumer, vous avez beaucoup de doutes, quoi. Et le dernier est celui-ci. Une opération de ce genre est rarement pratiquée par le numéro un des services secrets. Alors, on peut au moins émettre des réserves. C'est d'autant plus vrai que la suite est assez curieuse. Yushchenko, sans doute parce qu'il ne se sent pas en sécurité dans son pays, demande à être hospitalisé à l'Ouest, en Autriche, où c'est un médecin d'origine ukrainienne qu'il soigne. Un médecin qui va confectionner avec des proches de Yushchenko un rapport médical truqué. Un rapport faisant état de l'empoisonnement. Hein. Alors que rien ne permet encore de donner la preuve de l'empoisonnement. Début du mois de décembre 2004, Libération publie un article titré « Élection poison ». J'en extrais ces lignes. Le 17 septembre, 7 jours après son hospitalisation dans une clinique réputée de Vienne, l'un de ses médecins traitants, le chirurgien Nikolai Korpan, annonce que le candidat de l'opposition pourrait avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement, sans toutefois rejeter l'hypothèse d'une intoxication alimentaire susceptible d'être également à l'origine de l'infection du pancréas, d'un ulcère de l'estomac et de maux dans la poitrine dus à une infection virale dont souffre son patient. À son retour à Kiev, Yushchenko déclare lui-même devant le Parlement « Ce qui m'est arrivé n'est pas un problème alimentaire, c'est un problème lié au régime politique en Ukraine ». Le Parlement ukrainien, au terme d'une enquête, conclut que rien ne prouve la thèse d'un acte criminel sans, cependant, l'exclure définitivement. Dans l'affrontement politique que se livrent les deux camps, la maladie de Yushchenko devient une arme de campagne. Quand saura-t-on la vérité sur la nature de l'empoisonnement dont a été victime Yushchenko ? Pas avant le mois de décembre 2004. Mais il est évident que Yushchenko et son entourage ont décidé bien avant d'exploiter l'affaire. D'où la publication de ce rapport truqué, là. Une maladresse, incontestablement, oui. Mais qui n'est pas apparu comme tel par les partisans de Yushchenko. Car ce dernier est déjà devenu un martyr et un héros. Et son visage témoigne hideusement pour lui et pour sa cause. D'ailleurs, dans les sondages préélectoraux, il est donné gagnant face à son rival, Yanukovych. Et les résultats effectifs là, du premier tour, hein, c'est ça? Oui, ouais. Le premier tour de l'élection présidentielle a lieu fin octobre. Mais c'est 11 jours plus tard que la commission centrale électorale publie les résultats. Oh, c'est excessivement long, hein? Anormalement long, oui. Et les adversaires du pouvoir en place ne manqueront pas de souligner que ces 11 jours d'attente ne s'expliquent que par des tentatives de fraude. Ce que confirment les observateurs internationaux qui dénoncent de nombreuses irrégularités, quoi qu'il en soit. D'après cette commission centrale, Yushchenko est arrivé en tête. Mais d'extrême justesse, car Yanukovych le talonne. Ah, le jeu est donc ouvert pour le second tour. Hein. Exactement. Et les coups bas pleuvent. Enfin, passons. Yushchenko est toujours le favori des sondages. Le deuxième tour, si je me souviens bien, est fixé au 21 novembre. 5000 observateurs étrangers surveillent le scrutin. Trois jours plus tard, la commission proclame les résultats. Yanukovych gagne avec un peu moins de 3 points d'avance sur Yushchenko. Immédiatement, des dizaines de milliers d'Ukrainiens se précipitent sur la place de l'indépendance. Et comme 4 ans plus tôt, lorsque l'affaire Gongadze a éclaté, ils installent des tentes. Parce qu'ils soupçonnent qu'il y a eu des fraudes. Ah, ils ne soupçonnent pas, ils en sont sûrs. Et ils ont raison. Ils demandent donc qu'un nouveau second tour soit organisé. Troisième, quoi. Oui, et ils sont soutenus par les membres de la Cour suprême qui refusent d'entériner les résultats de l'élection. Quant à Yushchenko, tout en accusant le pouvoir de mener le pays à la guerre civile, il lance un appel à la grève générale. Ouais, un durcissement de la situation. Incontestablement. Hein. Et de part et d'autre, on se livre à des manœuvres de désinformation. Chez Yushchenko, on affirme par exemple que des avions des forces aériennes russes ont débarqué des soldats sur le sol ukrainien. Afin d'agiter la menace d'une intervention de Moscou. Et pour mobiliser l'électorat de l'Ouest très hostile à la Russie. Car maintenant c'est clair, les ennemis de la révolution orange se trouvent à l'Est et sont les meilleurs soutiens de Yanukovych, des oligarques et le pouvoir corrompu. Et ici, il faut bien parler de ceux qui travaillent dans la coulisse et sont les vrais inventeurs de la révolution orange. Ah oui, c'est... Comment vous avez appelé là? C'est faiseurs de révolution. Et qui, après avoir agi avec succès en Serbie et en Géorgie, sont devenus des professionnels, souvent salariés d'ailleurs. Je ne donnerai qu'un exemple, celui d'un Serbe, Aleksandar Marić. Qui est celui-là? Cet homme encore très jeune est d'abord un membre du mouvement Otpor, une organisation qui a contribué, avec d'autres, à la chute de Milosevic, et qui est devenu un véritable réseau dont l'objectif est de faire tomber les régimes autoritaires dans les pays de l'ex-Empire soviétique. Pour les remplacer par des démocraties. Des démocraties libérales ou ultralibérales. Ah, je vois où vous voulez en venir. Hein. En effet. Pour que ces conseillers en Révolution douce puissent agir efficacement... Et être payés aussi. Donc il leur faut de l'argent. Et ils se sont presque naturellement adressés à des fondations étrangères obligatoirement situées à l'Ouest. Et plus particulièrement aux États-Unis. Oui. Le milliardaire George Soros a été par exemple un des principaux contributeurs. Et l'Agence américaine pour le développement international a aussi largement participé au financement d'Otpor, l'organisation de Marić. L'agence dépendant de l'administration états-unienne, ça signifie donc que Washington a pris une part active dans ces révolutions. Une part active, mais quand même discrète. Ouais, forcément à cause de Moscou. Bien évidemment. Moscou qui ne s'y trompe pas d'ailleurs. Et très tôt, le Kremlin dénoncera non sans raison les ingérences étrangères et les actions anti-russes des acteurs de la Révolution Orange. Mais Poutine oubliera de dire que ses propres services ont aussi tout fait pour soutenir Yanukovych et empêcher sa défaite. Ouais. C'est de bonne guerre, si je puis dire. Hein. J'ajoute que Marich et les siens ont aussi monnayé leurs services. Ainsi, du propre aveu de ce professionnel, la Révolution Orange a rapporté 2 millions de dollars à son organisation. Et payé par qui? Eh bien, les leaders de la Révolution Orange, en grande partie. Mais il faut aussi ajouter que ses conseillers en Révolution ont eu beaucoup de frais. Ah oui. Au fond, bon, ces types comme ce Marich-là sont des sortes de mercenaires. Mais ils le savent pertinemment bien. Mais ces as du marketing politique se flattent de ne travailler que pour des politiciens qui s'engagent à respecter la démocratie. Ouais, mais enfin, on sait ce que valent les promesses. Hein. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais pour l'instant, et malgré le fait qu'ils ont connu de nombreux écueils, la Serbie, la Géorgie et l'Ukraine ont toujours des régimes démocratiques. Alors, justement, revenons en Ukraine et notons tout de suite que l'Union européenne a aussi fortement soutenu Yushchenko, tout en ménageant son adversaire avec l'intervention directe de son haut représentant auprès des pays de l'Est, Javier Solana, et du président polonais Kwasniewski. Alors, ce troisième tour. La situation devenant de plus en plus tendue, car les manifestants présents sur la place de l'Indépendance n'ont pas du tout l'intention de lever le camp et bloquent aussi l'accès à certains bâtiments officiels. La Cour suprême décide que les Ukrainiens voteront à nouveau le lendemain de Noël. Mais cela ne suffit pas à faire rentrer les opposants chez eux. Tandis que dans chaque camp, on mobilise. Et Yanukovych se dit prêt à demander à ses partisans de monter sur Kiev. Les fameuses gueules noires des régions minières. Ouais, tout comme l'avait fait le président roumain, c'est Ilescu, hein, je crois. Là, on est donc tout près de l'affrontement. Oui, et l'information a très peu filtré. Le pire a été évité à la fin du mois de novembre, une semaine après le deuxième tour de l'élection présidentielle. De quoi vous voulez parler là? Ce soir-là, le 28, vers 22 heures, l'alerte sonne dans les casernes des troupes du MVD, situées en dehors de Kiev. Le MVD, c'est le ministère de l'Intérieur, comme en Russie. Enfin, c'est oui. Un ministère qui dispose de troupes spéciales et très bien entraînées. 10 000 hommes au total, placés sous l'autorité du général Popkov. Pour faire face à d'éventuels troubles intérieurs. Oui. Aussitôt, l'alerte donnée, les miliciens s'équipent. Boucliers, matraques, cagoules noires et pour une part d'entre eux, armes à feu. Puis ils grimpent dans leur camion. Direction la place de l'Indépendance. Il s'agit d'aller dégager la place, alors toujours occupée par les manifestants de la Révolution Orange. Bah, ça me paraît très clair, oui. Ouais. Et l'ordre, alors? L'ordre vient d'où? Un ordre aussi important n'a pu être donné que par les plus hautes autorités de l'État, c'est-à-dire le président Kouchma et le premier ministre Yanukovych. Alors que se passe-t-il? Les services secrets, dont c'est quand même le métier, sont informés. Et le général Smeko, chef du SBU, celui-là même qui, au cours de son dîner avec Yushchenko, aurait empoisonné ce dernier, intervient, arrive à joindre le général Popkov et lui intime l'ordre de faire demi-tour. Mais a-t-il l'autorité pour agir ainsi là? Ah, je connais pas l'ordre de préséance dans l'Ukraine de Kouchma, mais la pression exercée par Smeko a été vraiment dissuasive. D'accord, mais quels arguments, selon vous, a-t-il utilisé? Enfin, hein, autant que vous le sachiez, donc. À mon avis, il a dû menacer ce Popkov en mettant en avant que celui-ci, en intervenant par la force sur la place de l'Indépendance, allait commettre un acte illégal. En effet, les manifestants, agissant de manière pacifique, ne menaçaient pas l'ordre public. En outre, je suis certain qu'il lui a dit que les troupes du MVD risquaient de trouver en face d'elles des éléments des services secrets. Et sagement, Popkov a obtempéré. Oh, sans doute parce qu'il a compris lui aussi que le vent était en train de tourner. Oui, qu'il risquait d'avoir de sérieux ennuis si Yushchenko gagnait un troisième tour électoral sans fraude. Alors, selon vous, là, c'est l'ensemble du SBU qui avait basculé? Je le crois, oui. Et après cet épisode, où le pire aurait bien pu se produire, Smeko en personne est allé voir Yushchenko pour l'assurer de sa fidélité en cas de victoire. Oui, ça ne manque pas de sel, hein, étant donné les accusations que le camp Yushchenko avait proférées à l'encontre de Smeko. Hein. Et pour moi, c'est un nouvel élément qui plaide pour la non-participation du chef du SBU dans cette affaire d'empoisonnement. Il faut noter que Smeko ne sera pas inquiété plus tard. Je pense aussi que c'est après l'échec de cette tentative de coup de force que Yushchenko a conclu un pacte de non-agression avec le président Kouchma. Alors la suite, vous la connaissez. Le 26 décembre, Yushchenko triomphe enfin dans les urnes. Il choisit de nommer Yulia Tymoshenko au poste de Premier ministre. Oui, mais ça va se gâter assez rapidement. Yushchenko limoge en septembre dernier tout le gouvernement, y compris Tymoshenko, après des attaques sur la corruption de son entourage. Mais qui sait ? On verra peut-être les deux héros de la Révolution Orange se réconcilier avant les élections législatives de mars 2006. Pour en terminer, j'ai trouvé dans le journal Libération un portrait de Yushchenko écrit à l'occasion de sa récente visite en France au mois de novembre 2005. Article signé Véronique Soulet. J'en extrais ces lignes très éclairantes sur le personnage et sur l'évolution de sa personnalité depuis qu'il a été défiguré et qu'il a accédé au pouvoir. Je cite « Viktor Yushchenko, le petit provincial communiste gravissant tous les échelons, a-t-il réellement changé ? En fait, il semble être resté étonnamment lui-même, un introverti, un consensuel, plus enclin à la réflexion qu'à l'action, un technocrate au tempérament d'artiste, un homme moral, fidèle en amitié, et qui a su rester honnête, qualité rare dans l'Ukraine corrompue de Kouchma, mais aussi une personnalité complexe, opaque, hantée par on ne sait quelle vision. Ainsi, lorsque le 8 septembre, il limoge le cabinet de Yulia Tymoshenko, personne ne comprend vraiment. Il dénonce son populisme, ses erreurs économiques, son incapacité à jouer en équipe, mais on parle aussi d'envie et de jalousie, de sa peur d'être moins populaire que sa première ministre, comme si le président, qui se fait désormais horreur, craignait de ne pas être assez aimé.